Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Sans blague, c'est passionnant. Quel régal de chercher les origines des monothéismes, la naissance des religions, des juifs, des chrétiens et des musulmans. C'est passionnant. Cela nous plonge aux origines de notre monde, quand aujourd'hui la religion est sans cesse convoquée dans l'actualité, souvent avec passion. Savoir à quel moment s'est imposée l'idée d'un dieu unique chez certains groupes humains est une gageure. C'était il y a longtemps, sous un soleil brûlant, peut-être égyptien, peut-être mésopotamien. Oh, c'est passionnant. Ce qui est répété sans cesse dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, semble immuable. Mais soudain, arrivent les historiens et les historiennes. Ils lisent les textes, leurs commentaires, ils cherchent les sources et jettent un œil à l'archéologie. Et voilà que se construit un autre récit qui n'est jamais sacrilège, où nous apprenons que ce qui est immuable n'a jamais cessé de se transformer. Tenez, saviez-vous que dans le Coran, Jésus est plus souvent cité que Mahomet ? Sans blague, c'est passionnant. Et nous poursuivons notre quête aux origines des monothéismes après avoir vu les origines du judaïsme, après avoir vu comment l'Église s'est inventée, comment elle a créé son propre récit. Aujourd'hui, nous partons aux origines de l'islam, des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast avec aujourd'hui. Avec nous, Mathieu Tillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'islam médiéval à Sorbonne Université, la Sorbonne, avec deux ouvrages. Il y en a un qui m'a intéressé, les Cadis d'Irak et l'État abbasside. J'adore parce que vous avez mis le calendrier, alors les deux calendriers, le calendrier musulman 132-334 ou le calendrier occidental 750-945, un livre qui n'est pas disponible actuellement pour des raisons géopolitiques. Oui, ce livre a été publié à Damas en 2009 et jusqu'à aujourd'hui, depuis 2011, les exemplaires sont coincés à Damas. Mais heureusement, le livre est disponible en ligne à tous sur un site qui s'appelle revue.org. Voilà, et sinon, vous avez écrit l'invention du caddie. Juste faut dire un mot sur ces caddies. C'est quoi le caddie? Parce que ça fait tout de suite écho à autre chose qu'à ce monde abbasside, un caddie. Oui, le qadi est la francisation du terme qadi en arabe, qui signifie le juge. Il s'agit donc du juge musulman qui rendait la justice, en particulier à la mosquée, entre les plaideurs qui venaient le trouver pour faire résoudre leur litige en fonction du droit musulman. Et avec vous ce matin, Mathieu Tillier, se trouve Jérôme Prieur. Bonjour Jérôme Prieur. Bonjour. Écrivain, réalisateur, vous avez notamment réalisé avec Gérard Mordilla « Jésus et l'Islam », une série en 7 épisodes disponible en DVD. Et puis il y a les livres qui correspondent « Jésus selon Mahomet » au Seuil et Arte Édition. En fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure également la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous partons en Arabie. Or, nous y allons il y a longtemps, au 7e siècle après Jésus-Christ. Enfin, nous allons en Arabie, car au commencement était le désert. Au commencement était le désert, le sable et le vent. Arabie aride, sillonnée par des routes de caravanes, et des hommes toujours en quête d'une terre féconde et de l'eau vitale et rare. Là où jaillit l'eau, vivre et demeurer devient possible. Là naîtra la ville et la société des hommes. Cette Arabie-là, l'envers de l'autre, est celle que les anciens nommèrent Arabia Felix. L'Arabie heureuse. En ces temps-là, la petite ville de Makka, la Mecque, au cœur de l'Arabie, était dominée par une aristocratie marchande, la tribu des Korachites, riche et prospère. Son commerce international la plaçait au centre d'un réseau de communication qui s'étendait au-delà de la Méditerranée. On y aimait l'argent, et le souvenir se perdait du Dieu de la Bible, le créateur de l'univers que ses prophètes révélèrent, et parmi eux Abraham, qui le premier éleva le sanctuaire au centre de la Mecque, la Kaaba. C'est un extrait de l'émission L'espace de l'islam, diffusée sur la première chaîne de télévision française en 1982. Aux origines était le désert. Mathieu Tillier, nous sommes en Arabie. Nous sommes dans un monde que nous connaissons peu, en l'occurrence, pour le avant. Avant l'islam. En Arabie, en vérité, c'est étudié. Maintenant, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cette question. Qu'est-ce qu'il y a en Arabie avant l'islam, notamment du point de vue religieux? C'est pas simplement des nomades qui ont des divinités, c'est plus complexe. Absolument. On a souvent insisté sur le caractère désert de l'Arabie peuplée de bédouins polythéistes. Aujourd'hui, on sait que cette Arabie était en réalité soumise à des influences politiques et religieuses diverses, et que les principaux monothéistes avaient déjà étaient déjà bien implantés en Arabie, notamment le judaïsme, mais aussi le christianisme au Yémen et le christianisme dans le nord de l'Arabie. Donc ces monothéismes étaient déjà présents, bien que le polythéisme soit resté probablement sous forme de poche, notamment dans le Hedjaz, là où l'islam est né. Alors donc il y a des juifs, il y a des chrétiens dans cette Arabie, Arabie heureuse, comme on appelle le sud de l'Arabie, le Yémen. Faut quand même préciser que ces chrétiens et ces juifs, donc là, nous sommes allés, disons, 6e siècle, 7e siècle, ces chrétiens et ces juifs, eux-mêmes sont divisés, eux-mêmes sont traversés par des courants de discussion. Nous ne sommes pas avec un dogme déjà imposé. Absolument. On trouve différentes tendances religieuses, en particulier chez les chrétiens, qui sont divisés entre, au nord de l'Arabie, entre des chrétiens dits nestoriens et des chrétiens monophysites, qui donc n'ont pas la même conception de la divinité et de la nature humaine de Jésus. Et c'est précisément dans le cadre de ces débats que l'islam apparaît pour proposer sa propre vision théologique de Jésus, notamment. On ne peut pas se passer du contexte pour comprendre la naissance de l'islam. Effectivement, nous sommes dans une Arabie où il y a des juifs, où il y a des chrétiens. Donc les chrétiens, oui, se divisent entre ceux qui disent « Jésus est pleinement Dieu » et d'autres qui disent « Non, mais il est homme, prophète, particulier ». C'est ça les débats parmi les chrétiens. Oui, alors si on simplifie les choses, les nestoriens, donc ils sont plutôt dans la partie orientale du nord de l'Arabie, auprès de la dynastie des Nasrides, qu'on appelle aussi les Lahmides, qui est une dynastie arabe, insiste plutôt sur le caractère humain de Jésus, tandis que les Miaphysites ou Monophysites, qui sont du côté des Rassanides, également un royaume arabe du côté occidental du nord de l'Arabie, insistent sur le caractère purement divin de Jésus. Oui, c'est intéressant de voir comment dans cette Arabie-là, nous avons déjà des discussions et puis pareil, nous sommes avec un monde nomade et un monde de commerçants aussi. Donc il y a des circulations et qui dit circulation pour le commerce dit aussi circulation d'idées. C'est dans cet univers-là qu'apparaît, j'allais dire, mais le mot apparaît dans une émission consacrée aux religions est complexe, c'est dans cet univers-là qu'évolue Mahomet. Qui est Mahomet en fait? C'est quelqu'un qui sort d'un monde justement aussi complexe qu'on vient l'évoquer. Il aurait quelle religion à sa naissance, Mahomet? Alors, selon la tradition islamique, Mahomet ou Mohammed en arabe appartient à un groupe de polythéistes qui habitent à la Mecque, donc dans l'Arabie occidentale, dans le Hedjaz. C'est également un commerçant qui pratique le commerce caravanier, donc ce commerce caravanier qui est si important pour l'Arabie à l'époque et puis si important pour la Mecque qui est un centre d'échange. Donc c'est au départ un polythéiste qui, aux alentours de l'an 610, alors il est né selon la tradition, dit-on, aux alentours de 570, vers 610, il est traversé par une crise religieuse et il commence à prêcher un monothéisme qui, en rapportant une parole qu'il dit lui provenir de Dieu, qui lui est révélée. Cette parole va plus tard être consignée dans un livre qui est le Coran. Et il prêche un monothéisme en insistant sur l'unicité divine auprès de ses compatriotes polythéistes. Mathieu Tillier, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous voulons comprendre la naissance de l'islam. Mais avant d'essayer de démonter ou d'analyser à travers les textes, à travers travers les sources différentes ce qu'a pu être l'islam de ces quelques décennies du 7e siècle, en fait, avant que cela s'impose vraiment. Il faut rappeler que l'islam est aujourd'hui tel qu'on le présente, donc dans l'idée de la religion, Dieu donne un texte à Mahomet, et ce texte est de, c'est le Coran, ce texte est de Dieu, et Mahomet est le prophète. Voilà, voilà comment aujourd'hui on considère les choses. Ça va, c'est bien résumé ? Absolument. C'est en tout cas la vision qui est celle de ceux qui ont adhèrent à la foi musulmane. Ce qui est important, c'est de comprendre que le texte coranique, donc qui est considéré comme la parole révélée de Dieu par les musulmans, a eu un processus de mise par écrit historique qui est finalement relativement long, puisque à la mort de Mahomet, le Coran était seulement écrit sur par fragments, sur des supports divers, et c'est seulement au cours des décennies qui ont suivi sa mort que ce Coran a véritablement été réuni dans un livre canonique qui est devenu la Vulgate utilisée par tous les musulmans. Ah, déjà, on comprend qu'il y a une mise par écrit sur un temps assez long, qui n'est pas simplement un livre donné tel quel à Mahomet. Mais c'est déjà un apport de l'historien majeur pour comprendre comment se met en place cette religion. Et puis même sur le personnage de Mahomet lui-même, sur le personnage de Mahomet, il faut attendre un siècle avant que l'on commence à s'intéresser à la biographie de cet homme-là. C'est énorme, un siècle. Quand on se dit, tiens, c'est le prophète de l'islam, il faut un siècle pour qu'on commence à s'intéresser à lui. Là, nous allons écouter une lecture faite par Paul-Émile Debert d'un ouvrage écrit dans les années 50 par William Montgomery Watt qui s'intéressait à Mahomet. C'était très tardif, mais on se posait déjà des questions. À quoi ressemblait le prophète ? Mohamed était de taille moyenne ou un peu au-dessus de la moyenne. La poitrine et les épaules étaient larges, la carrure robuste. Les bras, ou peut-être plutôt les avant-bras, étaient longs. Les mains et les pieds rudes et fermes. Il avait un front vaste et bombé, le nez busqué, les yeux noirs avec des reflets bruns. Ses cheveux étaient épais et longs, plats ou légèrement bouclés. La barbe aussi était bien fournie. Il avait sur la gorge et la poitrine une légère toison. Les joues étaient sèches, la bouche grande, le sourire doux, le teint clair. Il marchait toujours comme s'il descendait une pente et on avait du mal à le suivre. Quand il se tournait d'un côté ou d'un autre, c'était avec tout son corps. Il était porté à la mélancolie et il restait silencieux pendant de longs moments quand il était abîmé dans ses pensées. C'est une complète relecture par William Montgomery Watt en 1959, donc un écrivain de qui pouvait être Mahomet, mais on peut rapprocher ça de ce qui s'est passé au 7e et 8e siècle, où les gens se sont intéressés un siècle à peu près après la mort du prophète, à se dire, mais qui était-il ? Pourquoi un temps si long avant de s'intéresser vraiment au prophète ? Alors ce qui est intéressant déjà, c'est que dans ce portrait reconstitué, évidemment on n'a pas d'image du prophète Mahomet, mais c'est ce portrait d'homme aux cheveux longs ressemble étrangement à certains portraits qu'on trouve sur des pièces de monnaie de la fin du 7e siècle, qui sont probablement ceux du calife Abdelmalik. Donc on a quelque chose qui est probablement assez réaliste en termes de coutumes vestimentaires et de coiffure. Mais en ce qui concerne le portrait de Mahomet lui-même, il a finalement fallu du temps pour réunir toutes les traditions orales qui au départ ont dû circuler, mais on ne sait pas très bien dans quelle mesure. Et l'intérêt grandissant pour la mise par écrit des récits relatifs à Mahomet, à la fois ses paroles et aussi son portrait physique, a commencé effectivement dans la première moitié du 8e siècle. Mais c'est seulement aujourd'hui, nous sommes tributaires de sources qui ont été écrites à la fin du 8e siècle ou au début du 9e siècle. Donc il a quand même fallu un temps long pour que ce personnage entre de manière canonique dans la tradition musulmane. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Mahomet étant contact avec des chrétiens. Dans tout ce qu'il a pu rapporter dans le Coran, on voit la trace sans cesse de Jésus. Jérôme Prieur, vous avez écrit avec Gérard Mordilla, Jésus selon Mahomet, donc c'est une véritable enquête au Seuil Arte Édition. Non mais c'est vrai, vous avez fait cette enquête hallucinante, hein, puis qui était ces reportages. Enfin, c'est... Moi j'ai envie de dire... C'est documentaire, j'allais dire, vous avez donné la parole, vous avez été vecteur de parole, de chercheurs, de gens qui pensent cette question-là, Jésus et l'islam, une question essentielle. Jérôme Prieur, Mahomet, connaissait l'existence de Jésus, connaissait les réflexions autour des chrétiens. J'ai envie de vous demander, mais quel Jésus il connaissait? Nous sommes au 7e siècle, hein, nous sommes au 7e siècle, donc après Jésus-Christ. Oui, moi j'ai envie de faire un petit détour pour vous répondre. Quand on a fait Corpus Christi, la première série, il y a quasiment, enfin un peu plus de 20 ans maintenant, à la fin de chaque débat, et puis ensuite dans les séries qui ont suivi, on nous demandait... Mais quand est-ce que vous allez vous intéresser à l'islam? Ou ça voulait dire aussi quand est-ce que vous allez vous en prendre à l'islam? Il y avait quelques... Et on répondait toujours, Gérard Mordilla et moi, la même chose. Sans doute jamais, parce que ce n'est pas notre culture. Et parce que sans doute il n'y a aucun chercheur du monde musulman qui accepterait de parler publiquement comme le font les chercheurs du monde chrétien, voilà. Et puis ça nous a amené 20 ans plus tard à faire cette série, puis ce livre, quand on s'est rendu compte, enfin, d'une évidence, c'est que Jésus est un personnage important du Coran. Alors évidemment, le croyant ou le théologien peut dire « Oui, Jésus est important, mais enfin, il n'apparaît qu'une vingtaine de fois dans le Coran, c'est pas beaucoup, sauf que son rôle est inouï. » Et donc, c'est le symptôme, je crois, enfin, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est le symptôme d'un rôle majeur de ce personnage dont l'importance est disputée par le prophète lui-même, par Mahomet. Vous faisiez allusion tout à l'heure au Dôme du Rocher. À l'intérieur du Dôme du Rocher, il y a des inscriptions et il y a 6 fois le nom du prophète et 5 fois le nom de Jésus. Comme s'il y avait une tension extraordinaire entre ces deux figures, mais surtout derrière ces figures, des groupes qui s'apparentent à ces personnages. Il y a des conflits politiques, géopolitiques, enfin théologiques, qui s'expriment à travers la figure de Jésus. Jérôme Prieur, c'est ce que vous avez montré dans Jésus et l'islam, dont on écoute la bande-annonce. Quelle est la place de Jésus dans le Coran? Les plus grands spécialistes mondiaux nous éclairent. Le Jésus du Coran est un personnage fantastique. Il n'est pas pour autant le Fils de Dieu. Moïse était un musulman. Jésus était un musulman. Le Coran transforme le judaïsme et le christianisme en hérésie de l'islam. L'islam n'est pas la religion de Mahomet. L'islam est la religion d'Abraham. C'est très fort, hein, ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'est un petit montage qui avait été fait lors de la diffusion sur Arte. L'islam est la religion d'Abraham. Et c'est vrai que nous parlons de prophètes, nous parlons de Mahomet, nous parlons de Jésus. Il faut toujours revenir à Abraham. Nous avons également cette semaine, quand on parlait du judaïsme, parlé de Moïse. Mais il y a toujours cette figure d'Abraham, Mathieu Tillier. Oui, absolument. L'islam et la prédication de Mahomet se présentent comme étant en droite ligne des anciens monothéismes, avec cette figure première qu'est Abraham, et dont les musulmans se revendiquent, parce que c'est le monothéiste d'avant les autres monothéismes. Donc en quelque sorte le père fondateur avant que le judaïsme ne se détache et que le christianisme ne se détache. Et de ce fait, le sanctuaire même à la Mecque de la Kaaba est considéré par Mahomet et par le Coran comme étant une fondation abrahamique. Et donc il y a un redéplacement du mythe d'Abraham dans la péninsule arabique pour pouvoir intégrer l'islam à cet ancien monothéisme. Jérôme Prieur, quand vous avez fait votre documentaire sur Jésus et l'islam, ou même là dans le livre Jésus selon Mahomet, vous vous attendiez à trouver autant de liens tissés entre les monothéismes? Parce que c'est incroyable, hein, on ne peut pas aller dans l'un sans regarder l'autre. Ben je crois que c'est la trace de quelque chose qui est fondamental dans les religions et dans les religions monothéistes, qui se disputent, c'est bizarre, mais c'est comme ça, le même Dieu, d'où tous les problèmes qui se posent entre christianisme et judaïsme, entre judaïsme, christianisme et islam, c'est que on a le même Dieu, mais des manières différentes de l'approcher, mais surtout des manières différentes de se l'annexer. Et donc, on peut dire d'une certaine façon, d'une manière un peu provocante, que le coup de génie de Mahomet, c'est de faire de l'islam, de cette forme religieuse, la religion d'Abraham, enfin, de détourner l'ancêtre, de trouver un ancêtre qui est antérieur aux autres religions. Et je pense que, à travers Jésus, se joue quelque chose de très important dans le conflit des religions à l'intérieur du monothéisme, c'est-à-dire que Jésus permet de dire aux Juifs vous avez eu tort, vous n'avez pas reconnu le rôle divin de Jésus, et ça permet de dire aux chrétiens vous avez eu raison de reconnaître Jésus, mais vous avez eu tort puisque vous avez divinisé Jésus, vous avez fait de Jésus le Fils de Dieu, et nous allons rétablir la vérité. C'est toujours la question de la vérité qui se pose dans les religions et dans le monothéisme, mais dans l'histoire du christianisme, des débuts du christianisme, il y a aussi ce même phénomène, d'où la violence, d'où la virulence, d'où le fait qu'aujourd'hui ces débats ils sont pas du tout éteint, et que l'histoire qui permettrait de refroidir ces questions, elle a beaucoup de mal à émerger. Oui, parce que ce sont des choses qui ont été imposées dans l'idée, et puis la religion dit c'est ainsi, alors que quand l'historien regarde les faits, les sources, il constate qu'il y a des évolutions qui sont différentes, des temporalités différentes que celles que voudrait le religieux. Mathieu Tillier, quand nous regardons les débuts de l'islam, vraiment, allez, on va dire, on est au moment de l'Égypte, la mort du prophète, 632, son héritage en fait, c'est de créer une religion ou pas? Ça a l'air d'être beaucoup plus complexe. Est-ce que Mahomet a voulu créer une religion? Alors la question peut être débattue. Il semblerait que Mahomet avait le sentiment, et c'est ce que laissent penser aussi les plus anciennes sourates du Coran, que le monde était prêt d'arriver à sa fin et que l'apocalypse était imminente. Dans cette mesure, il se présente plutôt comme un restaurateur de la religion vraie, parce que le Coran considère que les écritures des autres monothéistes ont été falsifiées, ont été dévoyées, n'ont pas su être conservées correctement. Donc a-t-il voulu fonder une religion, c'est difficile à dire. En tout cas, ses successeurs, oui, ont voulu développer une religion, et le pouvoir politique a joué un grand rôle dans l'établissement d'un dogme musulman dans les décennies qui ont suivi sa mort en 632. Vous venez de dire deux choses essentielles. Effectivement, ses successeurs ont voulu imposer une religion, et le politique arrive dans cette histoire, le politique. Et puis, il y a un aspect que nous n'avons pas encore assez évoqué, mais c'est celui du texte. Nous sommes dans une religion du livre, il y a un texte, et dans le Coran, c'est clairement dit, il faut lire. Lis. Lis. Je ne suis pas de ceux qui lisent. Lis. Que dois-je lire? Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Prêche. Ayant récité ces paroles, Mahomet se dit : je ressentis cette impression qu'un livre tout entier venait d'être gravé dans mon cœur. C'est alors que Mahomet identifie cette voix descendue du ciel. C'est l'ange Gabriel qui, en partant, lui crie : tu es l'envoyé de Dieu, le prophète d'Allah. Cette simple phrase allait changer la vie de millions d'individus dans le monde. Un extrait de l'émission Les idées et les hommes en 1980 dans le cours de l'histoire sur France Culture. Nous sommes à la recherche de la naissance de l'islam, de ses origines complexes. Le texte est là, le Coran est là. Sauf que, Mathieu Tillier, vous dites bien que le Coran n'est pas mis en place tout de suite, il faut du temps. Dans quel contexte le Coran est-il mis en place ? Alors, à la mort de Mahomet en 632, le Coran était essentiellement récité par oral, mais il n'y avait pas encore de codex, de livre physique qui correspondait au Coran. Et il a fallu donc attendre ses successeurs, les premiers califes. Abou Bakr a commencé à réunir un volume, un codex. Et ensuite, c'est surtout, selon la tradition islamique, le troisième calife, Ousmane, qui a fait établir une vulgate officielle en réunissant l'ensemble des des fragments du Coran qui existaient jusque-là. Fragment qu'il a ensuite fait détruire pour éviter toute contestation de cette Vulgate. Et cette Vulgate a été diffusée dans les villes conquises à l'extérieur de la péninsule arabique. Où d'ailleurs, cette Vulgate était en concurrence avec celle, avec les exemplaires d'autres compagnons du prophète qui étaient partis en territoire de conquête avec leurs propres notes du Coran. Mais ces notes ont été disqualifiées hein, et on a le pouvoir à demander de les détruire. Et puis, il y a enfin une troisième étape, c'est à la fin du 7e siècle, une révision à nouveau du texte, notamment pour des questions orthographiques, et à nouveau diffusion par le pouvoir d'un texte officiel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui la recherche avance beaucoup sur ce sujet parce que certains de ces manuscrits nous sont parvenus de la fin du 7e siècle, et donc on peut véritablement étudier le texte et son évolution. Alors le texte dans les manuscrits est extrêmement proche de du Coran tel qu'il est édité aujourd'hui, mais on peut néanmoins essayer de voir les variantes qui peuvent exister, l'orthographe également, et comment ce texte parvient à une écriture canonique. Alors c'est important ce texte, hein, Jérôme Prieur, dans Jésus selon Mahomet, vous écrivez « L'injonction fondamentale du Coran ». Lit semble plus que jamais résonner fortement. Nous devons lire, lire et relire, lire encore, lire toujours. Non, c'est vrai, il faut lire les textes. C'est un peu votre démarche aussi quand vous faites votre travail avec Gérard Mordillat, c'est de retourner aux sources. Je suis pas un chercheur comme Mathieu Tillier, par exemple. Je lis pas l'arabe, mais je suis un lecteur. Gérard Mordillat aussi est un lecteur. Donc, en tant que lecteur, un beau jour, nous avons pris ce livre et nous l'avons ouvert, malgré la frayeur qu'il y a à ouvrir ce livre qui paraît absolument infernal aux yeux de beaucoup, et pour s'apercevoir que c'est un livre, comme la Bible ou comme le Nouveau Testament est un livre. À partir du moment où on lui enlève le temps de la lecture, après chacun est libre de faire comme il veut, bien sûr, où on lui enlève ce caractère sacré ou ce caractère saint dans le cas du Coran, d'autres choses se produisent. Alors, ce qui rend difficile, je pense, la lecture du Coran, en dehors du fait que c'est pas notre culture, enfin, ou c'est pas la mienne, ce qui rend difficile, objectivement, c'est que, premièrement, le Coran est le premier monument de la langue arabe, donc il y a des textes poétiques comme ça qui peuvent exister, mais il n'y a pas d'élément de comparaison vraiment très fort comme il en existe dans le judaïsme ou dans le christianisme. Donc ça, c'est un problème pour l'interprétation d'un certain nombre de concepts, de mots, d'expressions, etc., etc. Et puis l'autre chose qui est capitale, et là qui distingue radicalement le Coran du point de vue littéraire, hein, le Coran du Nouveau Testament, c'est qu'on ne sait pas dans quel ordre le texte a été écrit. C'est-à-dire que les sourates, les différents chapitres qui composent le Coran et qui enregistrent la révélation, enfin en termes musulmans, enregistrent la manière dont la parole divine a été consignée par oral puis par écrit, a été égaré, dispersé. Et ce qui fait que faire l'histoire du texte, savoir ce qui venait avant et ce qui venait après, est un travail extrêmement compliqué, ce qui fait que ça a agité pendant longtemps, enfin, même ça agite toujours les savants musulmans, les exégètes musulmans, les théologiens musulmans, hein, pas seulement les esprits critiques acharnés à détruire ou à contester une religion, mais aussi les savants occidentaux qui ont essayé de savoir quelles étaient les sourates qui étaient mécoises, les sourates qui étaient médinoises, enfin pour reprendre les différentes phases de la prédication de Mahomet, sans être jamais d'accord entre eux. Et ce qui fait que, à la différence par exemple des évangiles où vous pouvez reconstituer une évolution de la pensée théologique, non pas de Jésus, mais des groupes qui se sont revendiqués de lui, il est très difficile de faire ce travail pour le Coran. Et donc, il faut en revenir à des indices purement internes, comme par exemple Jésus, comme le nom, la fréquence, l'apparition, le rôle de Jésus, par exemple, hein. C'est l'enquête que vous avez menée avec Gérard Mordillat, hein, Jérôme Prieur, et c'est en ça que c'est passionnant. Nous allons faire justement en écho à ce voyage à travers les sources, un autre voyage, mais c'est un voyage un peu plus tardif, parce que nous serons au XIVe siècle, quand un jeune musulman de 21 ans, il s'appelle Ibn Battuta, se fait voyageur. Oui, il part en 1325, et Ibn Battuta, voyageur de l'islam, c'est une création de Jordi Savall qui nous emmène loin, et c'est très beau. Cercava tiene maestra, e serra e fandaglia mil, con 80,000 peones, cavaliero ostinco mil, con el valle se traidor. El traidor de Perojil por la puerta de Bernal la empieza de combatir con el escalas al muro comienza a conquerir cada la tierra. Battuta, voyageur de l'islam, c'est une création de Jordi Savall dans notre voyage que nous menons, nous autres de notre côté, avec Jérôme Prieur, avec Mathieu Tillier, dans les origines de l'islam. Ces origines de l'islam nous passionnent parce qu'elles parlent à notre contemporain, nous le sentons bien, et puis il y a des éléments marquants. Alors, si l'on voulait résumer les origines de l'islam et essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va dire, sur la manière dont s'est imposé l'islam comme religion, on pourrait s'arrêter à un endroit précis et une année précise. Ce serait en 692, quand à Jérusalem est construit le dôme du rocher. Mathieu Tillier, en quoi ce dôme est symboliquement important et qu'il permet de comprendre ses origines de l'islam ? Alors, ce dôme, tout d'abord, correspond véritablement au premier monument de l'islam. Il a été édifié par Abdelmalik dans un contexte de difficulté au sein même de l'islam et sur un lieu qui est extrêmement symbolique puisqu'il s'agit du mont du Temple à Jérusalem. C'est un monument qui est difficile aujourd'hui à interpréter parce qu'il a été réinterprété, en tout cas le site a été réinterprété à plusieurs reprises par les musulmans. En tout cas, il s'agit vraisemblablement d'une appropriation symbolique de ce lieu qui est Jérusalem, très important pour les juifs mais aussi pour les chrétiens à l'époque. Et il s'agit aussi à travers ce monument, je pense, d'établir une profession de foi. Et c'est dans ce monument qu'on trouve les premières longues inscriptions monumentales avec des citations longues du Coran qui mentionnent à la fois Mahomet et Jésus et qui viennent établir non seulement le fait que Jésus est un homme, un simple prophète, à ce titre, de la même façon que Mahomet. Donc il y a une sorte de parallèle qui est fait entre les deux, mais évidemment, Mahomet est particulièrement important, beaucoup plus mis en valeur, et ça correspond vraisemblablement à un moment où la personne de Mahomet intègre véritablement le dogme de l'islam, et devient, entre définitivement, dans la profession de foi. C'est-à-dire un dogme islamique qui repose à la fois sur l'unicité de Dieu, qui est le premier dogme islamique, hein, ce qui constitue la prédication de Mahomet, mais aussi le fait que Mahomet est son prophète. Et c'est la double profession de foi qui prend naissance véritablement à cette époque-là. Et nous sommes 60 ans après la mort du prophète quand est construit ce dôme. 60 ans, vous dites, c'est à ce moment-là seulement, que Mahomet rentre dans le dogme véritablement quand Abdelmalik construit ça. Il faut rappeler qui est Abdelmalik parce que nous sommes dans le politique, nous sommes avec les Omeyyades. Il faut rappeler en quoi il peut avoir besoin de construire ce dôme et de faire cette profession de foi. Alors Abdelmalik était un calife Omeyyade dont le pouvoir était contesté dans les années 680 par un autre calife qui s'appelle Ibn Zubayr et qui régnait sur la Mecque. Et donc il y a une concurrence très importante entre les deux et chacun des deux essaye de fonder sa légitimité en se présentant comme étant le meilleur musulman. Et c'est Ibn Zubayr qui, pour la première fois en tout cas de manière attestée documentaire, met en avant le personnage de Mahomet dont il se réclame et dont il se prétend le successeur. Et Abdelmalik est obligé de réagir et à son tour intègre Mahomet. Alors Mahomet était un personnage très important auparavant, hein. Mais disons que jusqu'à présent, on n'a pas trouvé d'attestation documentaire, épigraphique, sur des documents, sur papyrus ou sur des pièces de monnaie, du nom de Mahomet. Et avec Abdelmalik et avec Ibn Zubayr, véritablement, Mahomet fait son apparition dans les sources comme étant au centre du dogme. Jérôme Prieur, ça c'est quelque chose d'intéressant dans votre démarche, notamment d'aller voir tous les spécialistes et de leur faire... Parce que pour votre documentaire, vous les faites parler, j'imagine, très très très longtemps pour ensuite garder mais alors, ce qu'il y a de plus essentiel. C'est comme ça que ça s'est passé, vous devez avoir des kilomètres de roches derrière vous. Ben, si vous voulez, pour parler de cet aspect de la question, avec chaque chercheur, Gérard Mandia et moi, on a toujours un ou plusieurs entretiens préalables. Et puis ensuite, on adresse à chacun un questionnaire qui est rectifié par le chercheur, qui dit « ça, j'aimerais pas tellement parler, mais en revanche, ça m'intéresse ». Et puis le moment du tournage est un moment dramatique, un moment de fatigue qui prend plutôt une journée, quoi. Donc une journée, même si la série ensuite est longue, il y a forcément des éléments qui n'apparaissent pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est la confrontation des points de vue, la juxtaposition des points de vue, d'avoir des chercheurs qui sont de langue, de culture, mais aussi de disciplines différentes, ça produit des résultats extraordinaires. Je me souviens d'un chercheur qui nous a dit mais c'est incroyable ce que vous avez fait. Vous avez fait discuter ensemble X et Y qui ne peuvent pas se supporter ou qui s'ignorent totalement. Voilà, c'est ça l'apport, je pense, qu'on a eu dans pour la discipline et pour la télévision, de faire de la réflexion en public, de faire un spectacle de l'intelligence. Et c'est ça qui est passionnant et qui est quelquefois difficile à faire aujourd'hui à la télévision. Sur France Culture, ça passe mieux le spectacle de l'intelligence. Non, mais c'est vrai que vous avez évoqué, Jérôme Prieur, à l'instant, cette question de la langue. Et elle est essentielle aussi pour comprendre les origines de l'islam. Parce que aujourd'hui, évidemment, mais tout le monde le dit, l'islam, c'est l'arabe. Ça semblerait une évidence. L'islam, c'est sans doute, aux origines, beaucoup plus compliqué que l'arabe. Et pour en parler, tout de même, faut un clin d'œil sympathique qui nous emmène au Caire, le Caire Nid d'Espions, avec OSS 117. Votre français est irréprochable, Larmina. L'Égypte a longtemps été francophone, monsieur Bramar. Mais le Raïs, depuis son ascension au pouvoir... Le Raïs, le chef, le président de l'Égypte, Nasser. Eh bien, Nasser a lancé une grande politique d'arabisation du pays. Le problème avec l'arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. Même au niveau du son, on sent... Oui, non, mais enfin, c'est joli quand même. L'arabe est parlé par des millions de personnes. Et son écriture est un art. Hein? Des millions? Des millions, hein, vous êtes charmante. Mais... Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million, Larmina? Ah, c'est bien, oui, merci. Un extrait d'OS-77, Le Caire, Nid d'espions, de Michel Hazanavicius. C'était en 2006, avec un sourire sur cette langue arabe qui est difficile à parler, mais qui est très jolie quand même. Voilà, c'est un extrait. Toujours, la culture populaire révèle des choses sur ce qui peut intéresser la question que l'on pose aujourd'hui dans le cours de l'histoire, c'est-à-dire les origines de l'islam, parce que Mathieu Tillier, il n'était pas évident que l'arabe soit la langue de l'islam. En tout cas, aux origines. Alors, le Coran est en arabe depuis le début. Il est avant tout la religion au départ de populations qui parlent arabe. Mais à partir du moment où les Arabes se répandent dans les territoires de conquête, à partir des années 640, ils fondent un empire dont la langue n'est pas forcément destinée à être l'arabe. Et ces territoires, que ce soit l'Irak, la Syrie, l'Égypte, ensuite le Maghreb, sont au départ administrés dans les langues locales. C'est-à-dire que en Égypte, on continue à tenir l'administration et les registres administratifs en grec, en Pelvis, en Irak, et la langue de l'État aurait tout à fait pu rester ces langues locales. Et il a fallu une décision politique pour que l'arabe devienne non seulement la langue de la religion, la langue de la récitation du Coran, de la prière, mais également la langue de l'État, la langue de l'administration. Et c'est également le calife Abdelmalik et ensuite son successeur Al-Walid, aux alentours de l'an 700, qui ont pris cette décision d'arabiser l'administration. Ce qui a été d'une importance majeure pour la promotion de l'arabe à l'intérieur de l'Empire. Nous insistons sur le fait qu'il faut contextualiser. Donc, si l'on redit que Mahomet est dans un contexte où il y a des réflexions autour des monothéismes, des juifs, des chrétiens, et qu'il met en place une forme de pensée qu'on va appeler une religion, nous sommes là au 7e siècle. Et si on regarde un siècle plus tard, nous sommes dans un autre contexte où il y a des rivalités en fait entre la dynastie, les Omeyyades, et puis ceux qui les contestent. Et on pourrait dire que c'est à ce moment-là que les Omeyyades transforment le message de Mahomet, ou en tout cas se l'approprient, pour en faire une arme politique. Ça pourrait être ça, il y a ce siècle d'écart, ce siècle d'hésitation, Mathieu Tillier. Simplifie. Ce premier siècle de l'islam, il est très difficile de savoir exactement ce qu'il se passe au niveau dogmatique. Ce qui est important, c'est de considérer que les Omeyyades ont contribué à la formation du dogme. Mais ils l'ont pas fait tout seuls, ils l'ont fait aussi en interaction avec les musulmans eux-mêmes. Ils ont contribué à l'élaboration d'un droit musulman, puisque l'islam apparaît comme une religion de la loi. Il faut respecter un certain nombre d'injonctions divines pour pouvoir aller au paradis. Donc tout cela s'est fait au gré d'interactions qui sont aujourd'hui un petit peu difficiles à reconstituer, parce que les historiens sont tributaires de sources qui ont été mises par écrit à partir de la fin du 8e siècle. Ce qui est très certain, c'est que pour le christianisme comme pour l'islam, sans volonté politique, il n'y a pas de religion. Enfin, la religion ne tient pas, ne dure pas. Pour le christianisme, il y a eu Constantin, mais surtout Théodose, qui fait de cette forme religieuse dissidente du judaïsme la religion obligatoire de l'État romain, de l'Empire romain. Et pour l'islam, sans Abdelmalik, l'islam ne serait pas ce qu'il est devenu. Enfin, on peut comparer à une religion très importante dans la région vers cette période, qui est le manichéisme, qui, à partir du moment où l'Empire zoroastrien s'effondre, voit la religion manichéenne, le manichéisme, je ne sais pas si c'est une religion d'ailleurs, mais voit le manichéisme s'effondrer. Donc c'est essentiel de dire ça, sinon on a l'impression que spontanément il y a quelque chose qui rend compte les aspirations d'un certain nombre de gens. Enfin, il n'y a qu'à voir le christianisme, comment il piétine, enfin il végète avec des formes d'intelligibilité de plus en plus raffinées entre le deuxième et le quatrième siècle. Mais le coup d'envoi est vraiment la volonté du pouvoir politique qui voit comment s'appuyer sur une religion, comment fédérer un certain nombre de gens grâce à des instruments qui font appel au surnaturel et qui lui permettent d'asseoir sa puissance. Vous souscrivez, Mathieu Tillier, parce que vous avez, c'est vrai, dans votre démarche, étudié l'aspect juridique de ce monde de l'islam, des débuts de l'islam, notamment avec les cadis, on en a parlé, les juges, mais il n'y a pas que ça. Justement, sur ce pluralisme de justice, ce pluralisme judiciaire en islam, l'importance du pouvoir pour comprendre la mise en place de l'islam. Oui, le pouvoir, mais encore une fois aussi les savants privés. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dynamique au début de l'islam où le monopole de la parole n'est ni celui du pouvoir, bien que celui-ci pourrait éventuellement prétendre à ce monopole, ni celui des particuliers, des savants qui commencent à réfléchir à la religion. Et ce droit est particulièrement symptomatique, puisque c'est à la fois un droit qui doit être appliqué dans des tribunaux étatiques contrôlés par le pouvoir, et donc le pouvoir a le moyen de décider, de trancher au bout du compte la manière dont on va résoudre un certain nombre de problèmes et donc de dire le droit. Mais les savants également, privés, non employés par l'État, développent ce droit. Avec toute la question de savoir sur quelle base. Alors évidemment, le Coran est considéré dès le début comme une source du droit, mais le Coran ne répond pas à toutes les questions. Et ces savants doivent déterminer des méthodes qui vont permettre d'approcher la loi divine, et ils le font d'abord en utilisant leur propre avis éclairé, en essayant de réfléchir, et puis petit à petit, dans le courant du 8e siècle, ils se rendent compte que le prophète Mahomet lui-même peut être un exemple, et c'est à partir de ce moment-là qu'on entre dans une démarche d'écriture, de mise par écrit des paroles du prophète, donc qui est une démarche longue, hésitante, parce que certains musulmans également créent des fausses paroles du prophète, et ça ce sont les musulmans eux-mêmes qui le disent et qui le déplorent, et donc il faut élaborer des méthodes pour essayer de déterminer ce que Mahomet a pu dire véritablement et qui crée ce que les musulmans appellent la sunna, c'est-à-dire une tradition prophétique qui vient compléter le Coran. Mais tout est ensuite à faire d'interprétation et d'exégèse, et c'est la raison pour laquelle aucune orthodoxie ne s'est jamais mise en place à l'intérieur de l'islam disant qu'il y avait une seule loi. Et ce pluralisme juridique a continué et continue jusqu'à nos jours. C'est-à-dire, pour chaque question juridique, pour chaque problème qui se pose, il peut y avoir plusieurs réponses qui sont toutes acceptables. Sans qu'une seule vérité ne soit imposée. C'est surtout cet écho au contemporain qui nous intéresse dans la question aujourd'hui dans le cours de l'histoire. L'écho au contemporain, à l'actualité, nous l'avons comme une évidence, car il est l'heure de retrouver Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui Anaïs, vous nous parlez d'une tendance qui se développe auprès de ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'environnement, une tendance qui passe par une détox agricole. Les théories du complot se déchaînent autour de la personne de Greta Thunberg, mais elle n'est pas la seule, ni la première, loin de là, à tirer le signal d'alarme quant aux activités humaines et à leur impact sur la santé de notre planète et par conséquence la nôtre. Du côté des passeurs d'histoire, on s'attache à comprendre les relations tendues qui impactent sur le réchauffement de la planète, mais aussi à une autre dimension sensible de notre époque, le travail, et en particulier le travail agricole. L'agriculture, la plus grande réalisation de notre espèce. C'est elle qui nous a permis de nous affranchir de la faim, des maladies et de dépasser notre condition de simples animaux. Les premiers agriculteurs ont pu profiter des avantages d'une nourriture abondante, leur donnant tout le temps nécessaire pour bâtir des civilisations. Léo Grasset, l'animateur de la chaîne YouTube Dirty Biology, s'est concerté dans une série de deux vidéos avec sa colocataire de la chaîne Passé Sauvage, Clotilde Chamussy, pour remonter le fil de ce qu'il considère comme une addiction à l'agriculture. Parmi les figures qui ont contribué à construire les certitudes que nous entretenons sur notre mode de vie, il y a la conception selon laquelle notre ancêtre, le chasseur-cueilleur, n'était qu'un être divagant, désespérément dans la nature, à la recherche de sa pitance. Pour nous, des chasseurs-cueilleurs sont des gens qui vivent